résonne de mes pas. Chaque secret m'appartient déjà. Je suivrai les skills, l'ombre vivante. Chaque voix tremble, chaque voix chante. Je suis le feu qui brise la loi. L'éclat gravé au fond de toi. Je prends vos peurs, vos souvenirs. Je les transforme en avenir. Chaque view essuie mon chemin. Chaque vibration brûle dans ses mains. Je suis la fièvre qui ne s'éteint pas. Le rythme écrit au fond de toi. Je suis l'élan qui vous entraîne. Le souffle qui marque vos. Yeah.